Ça là. J'ai pourtant fait comme il faut. Il y a un tuner là-dessus aussi, je m'en rappelle plus. Ça marche pas. Alors attends, il fallait faire une piste. J'ai mis la piste. Input, Reout, Reout 1, Reout 2. Sauf que dans le guitar rig, eh ben, il n'y a plus le... Et ça, c'est Reaper, putain. Qui est... j'ai eu le malheur de faire une mise à jour de Reaper et je l'ai réinstallé deux fois, trois fois. Pourquoi que... Pourtant, quand tu installes Reaper... Attends, je le marque. J'écris ou je parle ? Bon, quand j'ai installé Reaper, il m'a installé le truc Rearoot. Ensuite, j'ai lancé Guitar Rig et pour aller régler Guitar Rig, eh ben, il n'y a pas Rearoot. Je comprends pas. Alors que... Et ça, c'est depuis que j'ai installé... Il y avait une mise à jour Reaper.